l'émission Les Échangeurs d'air à l'antenne de CKRL, le 89.1 à Québec. Jean-Philippe Boisbriand au microphone et au choix des disques. Ce soir, je vous propose un choix de musique éclectique avec des trucs un peu rock, un peu garage, un peu électronique. Alors, sans plus tarder, voici Manifeste du groupe britannique Little Tornadoes avec Laetitia Sadier. Donner le meilleur de nous-mêmes n'est pas une compétition pour vaincre l'autre. Je reconnais la nécessité de l'harmonie entre les êtres et de traiter l'autre comme je voudrais être traité. Afin d'avoir une bonne qualité de vie, nous avons besoin d'une société qui elle-même privilégie la vie. La coopération entre les gens. Notre système économique et financier devrait être fondé sur la compréhension que ce sont les cultures, les idées, le travail, la santé et le territoire qui sont les vraies richesses et non pas l'argent. Le pillage des ressources, l'exploitation des peuples et la violence militariste profitent seulement à une minorité corrompue. Le capitalisme sauvage est-il réellement dans notre intérêt? Nous aspirons à construire un mouvement populaire pour remanier et démocratiser réellement notre système financier. Comprendre la vie et l'apprécier pleinement et les droits de tous. Il 1999. Un siècle qui se termine mal. La dernière décade fut tumultueuse dans l'orgie byzantine d'un monde qui a perdu son art. Sûrs de leur science, les peuples narguent l'avenir, empoisonnant l'horizon dans les miasmes de leur inconscience. Ils ont détruit les arbres des forêts, laissant une perspective rectiligne. L'oxygène, cela se fabrique. Moi, je sais que la logique s'effrite déjà dans les spasmes d'un équilibre qui se révolte. Je sais que le cauchemar ronge l'illusoire édifice. Je sais que depuis quelques mois, secrètement, l'insolite germe autour des hommes en champignons d'angoisse. Les trois dimensions se confondent un certain soir en surface plane, engendrant des êtres à la démarche de crabe. Maintenant, j'attends les monstres qui palpitent dans les artères de notre planète. J'espère que je serai encore là pour les combattre, car demain je vais être jugé. Jugé pour avoir su, jugé pour avoir dit, jugé pour avoir vu. Les décrets stipulent bien. Une réflexion personnelle est formellement prohibée. Le Grand Conseil n'aime pas les pensées qui ne sont pas officielles. êtes à l'antenne de CKRL, le 89.1 à Québec, et vous écoutez l'émission Les Échangeurs d'air avec Jean-Philippe Boisbriand au microphone et au choix des disques. Vous avez entendu dans ce premier bloc la politique de la division du groupe montréalais Police des Mœurs. C'est extrait de Courir dans les ruines, un album paru en 2019. Ça a été précédé par These Are Our Children du groupe britannique I Monster. C'est extrait de l'album Never Odd or Heaven, un album paru en 2003. Juste avant, vous avez entendu New Planet Is Born du groupe suisse Oi. C'est extrait de leur album Space Diaspora, un album paru en 2016. Juste avant, c'était Shimmer and Disappear du groupe britannique Pram. C'est extrait de Across the Meridian, un album paru en 2018. Ça a été précédé par L'Agonie du français Jackie Chalard. C'est extrait de l'album Je suis vivant mais j'ai peur, un album paru en 1974. Et on a débuté le bloc avec Manifest du groupe britannique Little Tornadoes avec Laetitia Sadier. C'est extrait de l'album We Are Divine, un album paru en 2014. We'll be right back. That's what I said to my husband, Donald. When he came home from work last night, he said, honey, I gotta fix something downstairs. Well, as I was pulling out the casserole, I heard this weird barking noise coming from the basement. And you know, we don't have a dog. Existem tantos espalhados ao meio. Ce n'est pas une raison pour me parler. plein de mystères. Ou un poète du genre Apollinaire. Oh mon amour, je voudrais te toucher à l'endroit où on n'a pas le droit. Je serai jugé par la société comme les Hitler, Nuremberg, retraité, acte notaire. C'est trop drôle, c'est Vous êtes à l'antenne de CKRL 89.1 à Québec et vous écoutez l'émission Les Échangeurs d'air avec Jean-Philippe Boisbriand au microphone et au choix des disques. Alors, vous avez entendu dans ce deuxième bloc Télé après la météo du français Ferdinand Richard. C'est extrait de son album En forme, un album paru en 1981. Ça a été précédé par Hystérie Connective du groupe punk français Metal Urbain. C'est extrait de l'album Les Hommes morts sont dangereux, un album paru en 1981. Ça a été précédé par Sur le bord du frigidaire de Jean Garand Garage Band. C'est extrait de la compilation Grand succès 1991-2001, une compilation parue en 2003. Ça a été précédé par J'agonise du groupe de Québec Les Biberons bâtis. C'est extrait de la compilation Attaboy on meurt, parue en 1993. Juste avant, vous avez entendu Toda Pessoa du groupe brésilien Fumaça Preta. C'est extrait de l'album Fumaça Preta, paru en 2014. Juste avant, c'était Base Primitiva Revisitada du groupe brésilien Jupiter Apple. C'est extrait de l'album Uma Tarde na Frutera, paru en 2007. Ça a été précédé par The Devil Lives in My Husband's Body du groupe américain Pul Salama. C'est extrait d'un 45 tours paru en 1982. Et on a débuté le bloc avec Mr. Sinista du duo britannique Amos et Sarah. C'est extrait de Invite to Endless Latino, une cassette parue en 1983. Mm. sounds too blue to fly. The midnight train is whining low. I'm so lonesome I could cry. I've never seen a night so long. When time goes crawling by, the moon just went behind the clouds to hide its face and cry. Honey, yeah, happy new year to you too. Thank you. nothing that's gonna please ya. Just a little town down in Indonesia, Bangkok. Men lying in bed. One got his mouser, the other said Bangkok. Oh, Bangkok. Making love the Japanese way. I learned aggressively in Hong Kong, Bangkok. Margaret Trudeau, Jackie O, Madame Nguyen, Bridget Bardot. Thank you. can't understand the way they do. I can't understand the way they act. I can't understand anything. Their life might have been hard. Their lives would have been bad. They sure are hard to talk to. Maybe it's their mom and dad's fault. Think back. Oh, I'm sad, but I won't. I'm hurt, you're right. Take this girl, she cracked. I won't, but she didn't think that I don't. She goes around this town with her head around those white giggle places. I don't wanna hurt her, I don't really wanna help her. I can't talk to her now, I just give up a while. C'est déjà tout pour l'émission Les Échangeurs d'air de ce soir. Vous étiez en compagnie de Jean-Philippe Boisbriand au microphone et au choix des disques. Alors, vous avez entendu dans ce dernier bloc She Cracked du groupe américain The Modern Lovers. C'est extrait de l'album The Original Modern Lovers. C'est des extraits de démos produits par Kim Foley en 1972. Ça a été précédé par Opium Pits du Britannique Nicky Sudden. C'est extrait de la compilation Waiting on Egypt et The Bible Belt, une compilation parue en 2001. Ça a été précédé de Rien à dire du groupe français Marie et les Garçons. C'est extrait de l'album Marie et les Garçons, un album paru en 1977. Juste avant, vous avez entendu Bangkok, une pièce de 1978 de l'Américain Alex Shilton. C'est extrait de la compilation Orc Records New York, New York, une compilation parue en 2015. La pièce Bangkok est parue en 1978. Juste avant, vous avez entendu Satan is Real Again du groupe britannique Country Teasers. C'est extrait de l'album Satan is Real Again or Feeling Good About Bad Thoughts, un album paru en 1996. Ça a été précédé par Cowboy du groupe allemand Trust. C'est extrait de l'album Trust Me, un album paru en 2006. Juste avant, c'était Texas Funeral du musicien américain John Wayne, à ne pas confondre avec l'acteur, et son nom s'écrit John, J-O-N. C'est extrait de l'album Texas Funeral, un album paru en 1985. On a débuté le bloc avec I'm So Lonesome I Could Cry de Hank Williams. C'est extrait de la compilation 40 Greatest Hits, une compilation parue en 1978. Alors c'est tout pour nous. Je vous souhaite une bonne soirée à l'antenne de CKRL.